Canaan, nouvelle lointaine, de Fabrice Colin. Premier épisode. Norman venait de mourir. Pas d'autre façon de commencer son histoire. Dans une autre histoire, celle que je feuillette à présent pour la seconde fois, l'homme que j'avais connu puis épousé était bien vivant et gravissait une montagne avec des grimaces d'extase. Norman venait de mourir et je ne me trouvais pas au bout de mes surprises. Car si je n'étais pas prête, l'est-on jamais, à affronter cette nouvelle, celle de sa résurrection promettait d'être une révélation plus colossale encore. Allô ? Madame Galloway ? Elle-même ? Ici le centre médical de Queens. Norman venait de mourir. C'est une secrétaire qui me l'a annoncé au téléphone. Une jeune femme visiblement embauchée quelques semaines auparavant et dont je ne me rappelais jamais le nom. Le ton indolent, la voix singulièrement absente m'ont horripilé à l'instant même où elle a prononcé les paroles fatidiques. On l'a retrouvée pendue à la poignée de sa porte, avec une écharpe. Votre mari devrait arriver bientôt, il est en route, d'après ce que j'ai compris. Madame ? Sur la vitre mouchetée de neige, mon reflet aurait dû trembler, se fissurer, mais je restais de marbre, pétrifié par la douleur. Madame. Les contours de New York s'émoussaient doucement, comme si la ville avait décidé de reculer dans l'ombre. L'espace de quelques secondes, on n'a plus entendu dans le combiné que la densité de mon souffle. Raflant mon paquet de cigarettes sur le comptoir, je ne suis parvenu à articuler que trois mots. Allô ? Je suis là. Au nom du personnel du centre médical, madame, je vous présente mes sincères condoléances. Quand dois-je venir ? Pourquoi est-ce que je pose la question ? Le plus tôt possible, j'imagine. Le corps a été emmené à la banque pour autopsie, mais aujourd'hui serait mieux en effet. Je crois qu'il y a des papiers à remplir. Attendez, excusez-moi, j'ai un autre appel. Autopsie ? Je croyais qu'il s'était pendu. Vous êtes là ? Madame Galloway, excusez-moi. Alors, oui, je lis ce qui est écrit. Une autopsie doit être pratiquée. Les médecins aimeraient en savoir plus sur les circonstances exactes du décès. L'heure de la mort aussi. Et personne ne surveillait. Je veux dire, l'écharpe, à qui appartenait-elle? En vérité, je pensais connaître la réponse à cette question. Et je n'avais pas du tout envie de l'entendre. Mais la mort impose ses conditions, toujours, sans équivoque. Je vois. La mort ne négocie rien avec vous. Je suppose que vous avez prévenu le reste de la famille. Sa sœur ? Nous l'avons appelé, oui, et c'est tout. À notre connaissance, il n'avait pas d'autre famille. C'est le docteur Galloway qui nous a demandé de vous prévenir. Je veux dire, votre mari. Non, désolé. Elle s'en mêlait les pinceaux. Elle suintait la trouille et l'embarras. Mon mari, comme si elle ne savait pas. Comme si tout l'hôpital n'était pas au courant. Et depuis des lustres encore. Oui, ce serait bien. À quoi jouait-il cet imbécile? Qu'est-ce qu'il racontait au personnel? Quel sens trouvait-il à prolonger cette mascarade? Note pour moi-même, lui demander d'arrêter. Lui demander de se dépêcher avec les papiers du divorce. Signons un pacte de non-agression, Albert. Comportons-nous en personne civilisée. Madame? Je vais passer. Je sais pas, laissez-moi réfléchir. Quelle heure est-il? 10h15. Je vais passer avant midi. Là, j'arrive, en fait. Très bien. Nous vous attendons. 3 ans. Norman et moi avions vécu 3 ans ensemble, à une autre époque. Une vie qui me paraissait à présent si irréelle qu'en souriant un peu, je pouvais me convaincre qu'elle n'avait jamais existé. Nous nous étions séparés d'un commun accord. Un jour, sans un cri, presque sans une larme. J'avais fait preuve d'un calme surnaturel. Je l'avais regardé boucler ses valises, assise sur notre lit, les bras croisés sur mes épaules. Un ami lui prêtait un studio, m'avait-il assuré. Tout le temps qu'il désirait. Il ne m'en voulait pas, répétait-il avec un pauvre sourire absent. Mieux, il comprenait. Suite à quoi, prétendaient les innombrables médecins qui s'étaient succédés à son chevet, il était devenu fou tandis que moi, j'avais simplement cessé d'être heureuse. Assise dans le salon, je regardais les arbres s'agiter derrière la fenêtre, leurs branches noires frissonnant sous le vent. Des flocons voltigeaient, sans domicile fixe. Mon maquillage ne ressemblait plus à rien. Je me suis barricadée dans la salle de bain. À la radio, on multipliait les bulletins d'alerte météo. Chute de neige massive annoncée sur les États de New York et du New Jersey. Une image m'a traversé l'esprit. Norman, allongé sur son lit, les bras le long du corps, blanc comme la neige. Mais ça n'existait plus, tout ça. Tu cesses de vivre et le monde continue de tourner sans toi. Ton cadavre ennuie les vivants. Il embarrasse. Soudain, je me suis rappelé combien Norman adorait la neige. Cette passion très enfantine pour le dessin des flocons, les formes, les variétés, chacune unique. Il avait acheté un livre sur le sujet et nous le feuilletions ensemble, blottis l'un contre l'autre sur le canapé. Des cristaux de glace grossis mille fois. J'avais 25 ans tout rond le jour où nous nous sommes rencontrés. Jamais je n'aurais pu tomber amoureuse de quelqu'un d'autre comme ça, avec une telle innocence. Bloomingdale, bonjour. Astrid, c'est moi. Laisse-moi deviner. Non. Non, Irina devinait. Norman est mort. Quoi ? Oh mon Dieu, Irina. Ça va ? Je sais pas trop, j'imagine. J'essaie de réaliser. Ça devait arriver, un jour ou l'autre. Ça devait. Il est mort de quoi ? Je veux dire... On sait pas trop. Pendant la nuit ? Non, surtout pas. Ça va ? Tu es sûr que ça va ? Tu as quelqu'un ? Quelqu'un ? Autour de toi, avec toi. Je parle pas d'Albert. Je vais bien, Astrid. Aussi bien que possible. Reste à la boutique, il fait froid. Accueille les clients. Vends-leur cette foutue robe à $600. J'ai besoin de savoir qu'il y a quelque chose qui ne change pas. J'aime pas ta voix, le son de ta voix. C'est la voix de quelqu'un qui se force à faire bonne figure. Oui, eh bien peut-être, mais c'est le jeu. J'ai des formalités à régler. Bien sûr. Prends tout le temps dont tu as besoin. Il faut que j'aille à l'hôpital. J'ai pas le choix. Le corps, tout ça, j'étais pratiquement la seule, tu sais, avec sa sœur. Je crois pas qu'ils se parlaient beaucoup. Elle va venir ? Ils l'ont prévenue. Ils font ce qu'il faut. Arrête de me demander ça, je t'assure que ça va. Je te rappelle, je te tiens au courant. Si jamais... Merci, Astrid. L'histoire commençait à New York, l'histoire du narrateur. Du moins est-ce ainsi qu'on pouvait l'imaginer, car en vérité, l'endroit n'était jamais nommé. Ce n'était pas ce qu'on appelle un roman ancré dans le réel. On était en automne, sans doute. Une fête était donnée sur le toit d'un immeuble. Il avait tout inventé. Il avait créé ses femmes et ses hommes et les avait placés là, au milieu de la fête. Tel un metteur en scène accompli. Il leur avait dit « Allez-y les amis, dansez, prenez un verre, détendez-vous. » Ou « Tenez, allez vous asseoir là-bas, sortez du décor, revenez ensuite. Profitez de la soirée, je suis sérieux. » Intrigués, des mouettes s'approchaient, attirées par les reliefs de nourriture, le buffet prodigieux. L'une d'elles s'était même posée sur la table, en semi-conquérante. Ses petites pattes laissaient des marques sur la nappe blanche retroussée et elle considérait le plat de saumon d'un air dubitatif, genre « Je peux y aller, vous êtes sûr ?» C'était un début de roman tranquille, en somme. Contemplatif, comme anesthésié. Les gens parlaient peu ou pour échanger des banalités qui ne permettaient pas d'en apprendre plus sur la raison de leur présence ici. La fête dont il était question, on ne savait qui la donnait ni en quel honneur. On ignorait quand elle avait commencé, quand elle s'achèverait. L'affaire pouvait remonter à des jours ou à des semaines. L'étonnement n'était pas le sentiment censé prédominer, me disais-je. Plutôt une sorte de curiosité chronique. Des confettis jonchaient le sol en pierre naturelle. Des ballons crevés, des serpentins. Tout cela sentait la tristesse d'un départ prochain. Et celui qui racontait, celui qui se tenait au centre de son récit tel un fantôme bienveillant prenait, de temps à autre, une inspiration venue du fond des âges en levant son regard vers le ciel. On aurait dit qu'il se préparait à plonger ou à déployer ses ailes. Le bord des nuages brûlait comme des pages de manuscrits rosés. Les invités allaient, venaient, erraient. On en retrouvait certains roulés en boule sur des banquettes. D'autres allaient, titubants et hagards, comme s'ils avaient oublié pourquoi ils se trouvaient ici. Pour ma part, je ne pensais plus qu'au calme, qu'à l'inéluctabilité de mon départ prochain. Tout est plus simple quand vous êtes celui qui s'en va, celui qui quitte, celui qu'on ne regrettera pas. Au bord de la terrasse, je m'avançais pour regarder la ville. Le soir venait à ma rencontre, là-bas, dans un froissement de nuages. J'avais épuisé mes souvenirs. J'étais arrivé au terme de mon existence ici, de mon passé, de l'amoncellement des choses et des débris accumulés depuis si longtemps. Et il ne me restait presque plus rien. Comment aurais-je pu ne pas me réjouir? Une dernière fois, les pieds sur le rebord, le vide béant devant moi, j'ai fermé les yeux et j'ai écarté les bras. Dans une fête à la campagne, 10 ans auparavant, mon fils était mort noyé. Voilà ce que le temps me rappelait à chaque minute de chaque seconde de ma vie. Mais le temps n'était plus qu'une voix. Le vieux magicien avait perdu ses instruments de torture. Tout ce qui se rattachait à la disparition de ce merveilleux enfant blond avait été épuisé, éparpillé aux mille vents. Ne restait que la vérité crue de sa mort, le fait dépouillé, sans artifice. Et j'avais compris, enfin, que je ne m'en débarrasserais jamais. J'avais épuisé la vie et je m'étais épuisé moi-même. 10 ans de travail, de rencontres, 10 ans d'errance et de cris sourds. Et que restait-il? Le moment était venu de partir enfin. Je ferais cela en silence. Je m'en irai un soir, sans un bruit, sans un adieu. Je prendrai un manteau, quelques affaires. Je laisserai la porte grande ouverte derrière moi. Le bruit de mes pas dans l'escalier serait couvert par les basses sourdes de la fête la nuit. Les rires renouvelés, le fracas joyeux de l'oubli. C'était une idée de son médecin. Ainsi présentait-il la chose, sans plus nommer cet homme-là que les autres. Sa femme l'avait quitté. Il ne s'appesantissait pas sur cet épisode, ne se plaignait pas, ne semblait pas regretter grand-chose. Ne restait que cette volonté, partir. Au détour de ses ruminations, de ses rêveries, le lecteur en apprenait un peu plus sur ce qui s'était passé. Il avait été père, un bon père même. Personne ne le niait. Mais un jour, lors d'une garden party donnée chez des amis, un enfant s'était noyé. Le sien, le leur. Quelques minutes d'inattention avaient suffi. Le récit qu'il faisait de cet atroce accident se révélait bizarrement détaché, comme vécu en périphérie. Une femme criait, des invités lâchaient leurs verres, se précipitaient. Son épouse, arrivée avant lui, tombait à genoux, hurlait comme seules les mères savent le faire. Il la rejoignait, écartant les curieux sidérés. Et tout le premier chapitre, cette fête sans parole sur le toit, se révélait alors pour ce qu'elle était vraiment. Une redite, une seconde secousse qui se passait de commentaires. L'enfant gisait sur le dos, bras écartés, comme accueillant le ciel. Son sweatshirt, trop large pour lui. Ses baskets à scratch. Quelques détails déchirants, méticuleusement choisis. Après cet inventaire, il ne restait plus grand-chose à dire. Et moins encore à espérer. N'importe quel mirage fera l'affaire, lui répétait son médecin. Partez. Partez simplement. Plus rien ne vous retient. Votre douleur est de celle que seule la distance apaise. Il vous faut mettre une distance entre votre âme et la réalité. Gagner le pays de l'oubli. Un royaume vaste et sans frontières. Canaan était le nom de ce royaume, le seul que le narrateur nous laissera en pâture. Canaan, partout et nulle part. Dans un autre chapitre, le narrateur attendait à une station de bus, des jours et des jours, debout le plus souvent, et parfois assis. Assis sur son sac, le dos droit, les mains à plat sur les cuisses. Peu à peu, il parvenait à ignorer ses pensées, et le manuscrit s'ornait de pages presque blanches, quelques mots ça et là, des haïkus dépenaillés. Partir, le désert, rien à la ronde, le meurtre lent des souvenirs. Ma femme avait fini par me quitter. Combien de temps lui avait-il fallu pour prendre cette décision ? À vrai dire, cela n'a aucune importance. J'avais passé les mois suivants dans une sorte de torpeur hébétée, le confort horrible que réclamait mon esprit agité. Abruti de cachet, je demeurais à la fenêtre de notre appartement jusque tard dans la nuit. Les bruits du dehors me berçaient. J'avais besoin de ce doux vacarme, la rumeur palote de la vie se poursuivant sans moi. J'en étais venu à échafauder des scénarios parallèles. Par exemple, notre fils n'était pas mort, mais se trouvait ailleurs, perdu en quelque sanctuaire inaccessible. Ma femme ne comprenait pas. Peut-être était-ce trop douloureux pour elle. Peut-être lui était-il insupportable de me voir accoudé à la fenêtre, à toute heure du jour et de la nuit, tel un naïf, un enfant, humant les relents d'un ailleurs définitivement hors de portée. Un matin, elle boucla ses valises, embrassa l'air à ma joue d'un air de colère, d'un air de désespoir hautain, comme si elle espérait encore susciter en moi quelques réactions salutaires. Quand la porte de notre appartement s'est refermée sur elle, je suis revenu à la fenêtre, les bras croisés sur la rambarde. Je l'ai regardé avancer sur le trottoir d'un pas décidé, lever le bras pour aller un taxi. Pas une fois elle ne s'est tournée vers moi. Cela ne m'a pas étonné. Je la connaissais. Je la comprenais. Elle ne pouvait pas se permettre cette faiblesse-là. Elle s'est penchée à la fenêtre d'une voiture, puis s'est engouffrée comme une tempête. Intérieurement, je l'encourageais. Je la couvrais d'éloges même. Elle allait vivre. D'une façon ou d'une autre, elle allait s'en sortir. Je suis sortie sur le trottoir. Il ne neigeait plus, mais le ciel restait menaçant. Un couvercle de plomb. Depuis qu'Albert et moi nous étions séparés, je n'avais plus la voiture. Je la lui avais laissée dans un accès de faiblesse. Astrid, hé. Hey. Où est-ce que tu es ? Qu'est-ce que tu fabriques ? On dirait un flic. Je pensais à un truc. Si tu veux, tu peux prendre ta semaine. Tu es sourde ? Hélène, c'était ton mari. Et nous avons divorcé et je me suis remariée. Tu veux un dessin ? Je sais tout ça. Je vis ma vie, j'avance. J'y vais, Astrid, je vais à l'hôpital et on verra bien. T'as aucune raison de t'en faire pour moi. Tu as commandé un taxi ? Je vais prendre le métro, j'ai besoin de voir des gens. Super idée, merdique. Tu vas mettre 3 heures. Bonne journée, ma chérie. On peut déjeuner ensemble si tu veux. Demain, on dit demain, d'accord ? Ou dans la semaine ? Tout ce que je veux, Hélène, c'est t'aider. Alors tiens la boutique, tiens-la bien. Fais péter le chiffre d'affaires. Il n'y avait pas foule dans le métro ce matin-là. Pour la première fois depuis bien longtemps, j'ai relevé la tête. Regardé les gens. Les gens maussades, endormis. Les gens qui ne me regardaient pas. Il y avait un monsieur, ai-je décidé, qui ressemblait à la mort. Il regardait droit devant lui, mais rien ne passait dans ses yeux. J'aurais aimé établir un contact, m'asseoir près de lui et comprendre. Qui décidait de ces choses-là ? Du jour, des modalités ? Quand avais-je vu Norman pour la dernière fois ? Un mois ? 6 semaines ? Je me rappelais juste que c'était un matin. La télé était allumée dans la salle de détente, cette salle sinistre récemment repeinte en jaune. Il passait un dessin animé avec un cheval humanisé qui proférait des grossièretés et avait l'air déprimé. Norman ne riait pas. Il regardait droit devant lui. Nous n'avons pas dû échanger plus de 3 phrases. Depuis longtemps, il avait quasiment cessé de parler. C'était Canaan, nouvelle lointaine, de Fabrice Collin. Premier épisode. Avec Catherine Tartarin, Hélène, Mathieu Létuvé, Norman, Éric Herson-Macarel, Albert, Delphine Cognard, la secrétaire, Laure Siriex, Astrid, Antoine Doignon, le psychanalyste. Et les voix de Élise Hobbe, Capucine Lespinasse, Olivia Forest, Alexandra Ansidei, Florence Mestet, Pierre-Marie Schneider, Didier Mérigou, Olivier Ruidavet, Malo de la Tulay, Bertrand de Rofignac, Élodie Vincent. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Bruitage, Élodie Fiat. Prise de son, montage et mixage, Bernard Laniel, Manon Houssin. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Réalisation, Juliette Eman. Remerciements à Dominique Massa et Antoine Juillose.